Voici, en une heure, l'intégrale de la nouvelle de Guy de Maupassant, intitulée « Le Horla » et publiée en 1887. Enregistrement de Jean-Paul Lexis, août 2018.